Et voici que Joseph se prépara à aller en Judée. Et il s'éleva un grand tumulte à Bethléem, parce que les mages vinrent disant « Où est celui qui est né, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et Hérode, entendant cela, fut troublé. Et il envoya des émissaires auprès des mages. Et il convoqua les princes des prêtres, et il les interrogea, disant « Qu'y a-t-il d'écrit au sujet du Christ ? Où doit-il naître ?» Et ils dirent « À Bethléem, en Judée, car c'est écrit. » Hérode les renvoya, et il questionna les mages, disant « Apprenez-moi où vous avez vu le signe qui indique le roi nouveau-né. » Et les mages dirent « Son étoile s'est levée brillante, et elle a tellement surpassé en clarté les autres étoiles du ciel que l'on ne les voyait plus. » Et nous avons ainsi connu qu'un grand roi était né en Israël, et nous sommes venus l'adorer. Hérode leur dit, « Allez et informez-vous de lui, et si vous le trouvez, venez m'en informer afin que j'aille l'adorer. » Et les mages s'en allèrent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les conduisit jusqu'à ce qu'elle entrât dans la caverne. Et elle s'arrêta au-dessus de l'entrée de la caverne. Et les mages virent un enfant avec Marie sa mère, et ils l'adorèrent. Et tirant des offrandes de leur bourse, ils lui présentèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et l'ange les ayant informés qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils prirent un autre chemin pour revenir dans leur pays.